Chapitre 3e. Une autre curiosité de la banlieue de New York, que l'on ne peut se dispenser de visiter, est la chute du Passaic. Un ferryboat conduit la ville de Jersey, bâtie sur la rive sud du Hudson. Dans la modeste gare du chemin de fer, il y a un mouvement extraordinaire, car c'est le point de départ des convois pour Philadelphie, le lac Erie, l'Ohio et tout le Far West. Parti à 5h du matin, le convoi me conduit en moins d'une heure à Patterson, à travers une contrée assez pittoresque. Il longe ensuite une petite rivière qui roule à travers les rochers et met en mouvement les roues de nombreuses usines. Arrivé au sommet d'une gracieuse colline, nous apercevons en face de nous la chute principale du Passaic. Cette rivière forme une jolie cascade au fond d'une gorge de rochers escarpés. Une élégante passerelle a été établie au-dessus du précipice où bouillonnent les eaux. Ces eaux ne cessent d'arracher des fragments de rochers à leur bord, qui par suite changent souvent d'aspect. La vue de cette cascade est assez intéressante pour les voyageurs, surtout pour ceux qui n'ont visité ni la Suisse ni la Scandinavie. Une fraîche végétation couronne les rochers et serpente le long de leurs flancs rougeâtres. À l'ombre des arbres se trouve un bel établissement consacré à des fêtes champêtres où l'on se rend de toutes les localités du voisinage. En rentrant en ville, j'allais terminer ma journée à la table d'hôte de l'hôtel Saint-Nicolas, immense construction dont le terrain seul a coûté 10 millions de francs. On a dépensé la même somme pour la construction. L'ameublement est évalué à 1500 000 francs. Cet immeuble, représentant ainsi un capital de plus de 21 millions de francs, est la propriété de 3 associés. On compte dans l'intérieur 800 chambres à coucher et 3000 becs de gaz. Le nombre des domestiques s'élève à 250. Au rez-de-chaussée se trouvent plusieurs boutiques de parfumerie, d'objets de toilette et de voyage, un magnifique salon de coiffure, des salles de lecture, des bureaux de poste et un télégraphe électrique. Au premier étage sont les salles à manger, décorées blanc et or, plusieurs gracieux petits salons, et enfin la chambre des nouveaux mariés, qui est toute tendue de satin blanc, rehaussée d'ornements dorés. Le prix de location de cette luxueuse bonbonnière, fort souvent occupée, dit-on, est de 750 francs par 24 heures. J'allais visiter le lendemain le musée fondé par M. Barnum, le célèbre entrepreneur qui conduisit Tom Pouce en Europe et Jenny Lind en Amérique. Son contrat avec cette dernière, exploité dans 95 concerts donnés aux États-Unis et à La Havane, ne produisit pas moins de 3 560 836 francs 70 centimes sur lesquels il dut remettre à la fameuse cantatrice, rossignol suédois, comme disent les Scandinaves, 883 375 francs 45 centimes. M. Barnum a publié depuis des mémoires fort curieux, au point de vue des mœurs américaines, par la franchise avec laquelle il expose triomphalement son charlatanisme, ses résultats et la crédulité de ses compatriotes. La salle du théâtre, placée à la suite, est petite, mais fort bien décorée. J'y vis jouer une charmante comédie américaine. La collection de tableaux, de vues panoramiques et de curiosités plus ou moins authentiques qui meublent les galeries Barnum attire peu le public qui s'arrête surtout devant un rhinocéros, un boa et une cage remplie d'une foule d'animaux divers, peu faits pour vivre ensemble. Le musée ne contient maintenant ni la sirène, ni le cheval à Niger, ni aucun de ces prétendus phénomènes qui attirèrent autrefois de si grandes foules de spectateurs et produisirent des recettes si considérables à leur inventeur. Dans les rues de New York, il n'est pas rare de voir des affiches portant ces mots « grande excursion, pique-nique et cotillon ». Un magnifique steamer a été retenu pour faire une excursion dans la baie de New York. Le public est engagé à profiter de cette journée de plaisir et de récréation. Poussé par la curiosité, un de mes amis et moi nous prenons des billets pour faire partie d'une fête si pompeusement annoncée. Nous montons sur un vapeur embarquant à sa suite un autre bateau. Ils sont unis par un petit pont qui permet d'aller de l'un à l'autre. Nous trouverons à bord 500 personnes dont la tenue est propre et même élégante. Les femmes portent des robes blanches, les hommes des redingotes noires. Une trentaine de musiciens, répartis sur les deux bateaux, jouent des contredanses, des valses et des polkas. Et bientôt, nous voyons tous les passagers danser avec un sérieux imperturbable et sans échanger un mot. À midi, le vapeur s'arrête au pied d'une charmante colline appelée Mont Hermon. Tout le monde descend à terre et va faire un repas champêtre. Les bouchons de champagne sautent de tous côtés, les cerveaux commencent à s'échauffer et l'on remonte en chantant à bord du vapeur qui reprend la direction de New York. Grâce aux nombreuses libations qui ont eu lieu, les quadrilles deviennent fort animées et le barroom est rempli de monde. Tout à coup, nous entendons quelques vociférations. Puis un homme est renversé sur le pont. Ses amis viennent à son secours, et bientôt une cinquantaine d'hommes prennent part au combat. Les femmes veulent intervenir. Des coups de poing les renversent. Le sang coule partout, et cependant pas un coup de couteau ou de pistolet n'est échangé. Enfin, les forces s'épuisent, et la première fureur s'apaise. Autour de quelques hommes, à la figure ensanglantée, se réunissent les groupes du parti vaincu qui veut prendre sa revanche dès que nous arriverons dans la ville. Voici la cause de cette terrible lutte. Un ivrogne faisait du tapage, on voulut le rappeler à la raison. Il insulta un des commissaires de la fête en lui reprochant d'appartenir à une compagnie de pompiers toujours vaincus dans les luttes de vitesse et d'habileté. Ce mot fut le signal du combat qui se propagea, comme le feu sur une traînée de poudre, au milieu de cette cohue exaltée par les fumées du champagne. Quelle belle occasion de sermon pour un membre de la société de tempérance. Presque tous les Américains s'enrôlent pendant plusieurs années dans les compagnies de pompiers qui ne sont pas rétribuées. Chacun des quartiers de New York compte plusieurs postes où les hommes de garde passent la nuit. Dès qu'un incendie est signalé par la cloche de l'hôtel de ville, les pompiers se précipitent vers le lieu du sinistre, traînant leurs pompes après eux. La lutte de vitesse qui s'engage alors entre les différentes compagnies de pompiers occasionne souvent des rixes sanglantes. Les Américains dépensent beaucoup pour leurs engins à incendie qu'ils couvrent de peinture, de dorure et de plaques d'argent. Les jeunes gens se font volontiers admettre dans les compagnies de pompiers qui organisent de fréquentes parties de plaisir. Il faut avouer du reste qu'ils ne reculent pas plus devant le danger que devant le plaisir. Mon ami achevait à peine de me donner ces détails que déjà on avait étanché le sang qui couvrait le pont et que les danses recommençaient. Elles durèrent jusqu'au moment du débarquement que je m'empressais d'effectuer, bien guéri de l'envie de prendre désormais une part personnelle aux prétendues excursions de plaisir d'un public yankee. Pendant le mois d'août, il a fait une chaleur étouffante à New York. Aussi, les cas de choléra ont été nombreux. En outre, les incendies ont redoublé, surtout aux extrémités de la ville, où il y a encore beaucoup de maisons en bois. Dans les quartiers commerçants, j'ai vu brûler une église et plusieurs magasins. Quelques-uns de ces sinistres sont arrivés, dit-on, fort à point pour les locataires, qui ont ainsi un prétexte tout naturel pour ne pas remplir leurs engagements et reçoivent, en vertu de leur police d'assurance, une indemnité supérieure à la valeur des marchandises incendiées. On prétend que cette spéculation sur les primes d'assurance a pris une grande extension et qu'elle s'applique même à la navigation. Pauvres voyageurs, seriez-vous victime d'une pareille combinaison financière? J'aime à croire qu'il y a beaucoup d'exagération dans ces assertions dont j'ai souvent entendu soutenir la véracité. Mon arrivée aux États-Unis ayant malheureusement coïncidé avec l'apparition du choléra dans le bassin du Saint-Laurent, je dus ajourner mon départ pour le Canada et je consacrai quelques semaines à l'étude des mœurs américaines et à l'exploration des environs de New York qui sont vraiment dignes de la réputation que leur ont faite chez nous les romans de Cooper. Après avoir parcouru Hoboken, Glen Cove, New Rochelle, charmante résidence où les habitants de l'Imperial City se retirent pendant l'été, je profitai des voies ferrées qui rayonnent tout autour de ce grand centre pour visiter successivement Philadelphie, Baltimore et Washington. Philadelphie, capitale de la Pennsylvanie, avec ses 500 000 habitants, sa position au confluent des deux rivières, la Delaware et la Schuylkill, ses monuments de marbre et de style grec, ses longues rues alignées au cours d'eau, est la seconde ville de l'Union et une des plus belles du monde entier. Comptant 300 temples et un plus grand nombre encore d'établissements d'instruction ou de bienfaisance, elle est encore pleine des souvenirs de Guillaume Penn, son fondateur, de Billy Franklin, son grand citoyen, et du français Gérard, qui a fondé pour les enfants orphelins de la Cité des Frères un collège monumental doté par lui de 10 600 000 francs. Baltimore, situé au débouché du Patapsco, dans le golfe de Chesapeake, compte 200 000 habitants. Cette ville, qui a déjà le caractère des villes du Midi, mais du Midi à esclaves, est tout à la fois le chef-lieu de l'État de Maryland et le grand emporium du commerce de la Virginie et de la Caroline du Nord. On y vient de Philadelphie en 5 heures par le chemin de fer. 2 autres heures m'amenèrent à Washington. Je ne fis que passer rapidement dans cette capitale qui n'est encore occupée que par les administrations centrales de l'Union et qui attendra bien des années encore la population que ses fondateurs ont eue en vue quand ils ont trouvé le plan de ses vastes rues et de son enceinte immense.